الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى كرمنا بهذا الدين القويم وأرسل إلينا هذا الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم وقد أرسله الله بالهدى ودين الحق وأرسله رحمة للعالمين كما بعثه ليتمم مكارم الأخلاق الله تبارك وتعالى par sa grande grâce et sa miséricorde nous a honoré de par cette noble religion l'islam et cet islam est une religion parfaite et complète. Et c'est la religion d'Allah, la seule religion qu'Allah agrée pour ses serviteurs. Il nous dit dans son livre, Inna ad-dina 'indallahi al-islam. La religion chez Allah est l'islam. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Et celui qui aspire à une autre religion en dehors de l'islam, cela ne sera pas accepté de lui. Et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Et cet islam, c'est un islam de science et d'action. C'est pas un islam où il y a que la science, c'est pas un islam où il y a que des actions, mais c'est la science et la mise en pratique. Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous enseigner cet islam, a choisi le meilleur des hommes, la meilleure des créatures, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à une période, à une époque où les gens étaient dans une jahiliya, étaient dans une période anti-islamique, dans un égarement profond. Ils adoraient autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils étaient divisés, se combattaient. Ils opprimaient les faibles et les pauvres, les orphelins. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a voulu faire se lever la lumière sur ce peuple qui était plongé dans les ténèbres, il a révélé Al-Qur'an al-Karim, le meilleur des livres, le plus grand miracle. Sur le meilleur des hommes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par l'intermédiaire du meilleur des anges, Jibril alayhi salam, dans le meilleur des mois, Shahru Ramadan, dans la meilleure des nuits, Laylatul Qadr, dans le meilleur endroit, Mecca. Ainsi, cette révélation est parfaite de tout point de vue. Le prophète alayhi salat wa salam, il lui a été ordonné, comme il a été ordonné aux prophètes et messagers avant lui, d'inviter les gens à Allah, d'inviter les gens au tawhid, d'inviter les gens à la ilaha illallah. Il est donc venu trouver son peuple et leur a dit, ya qawm, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ô mon peuple, dites la ilaha illallah et vous obtiendrez la réussite. Reniez le droit à l'adoration pour tout autre que Allah et affirmez que le seul qui mérite l'adoration c'est Allah. C'est avec ce message que leur est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Dis voici ma voix, j'appelle à Allah. J'appelle au tawhid d'Allah. J'appelle à la ilaha illallah. Pendant 10 années, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invité les gens au tawhid avant même qu'Allah nous ordonne la salat. Avant même qu'Allah nous ordonne la zakat. Avant même qu'Allah nous ordonne le jeûne du mois de Ramadan, avant même qu'Allah nous ordonne le pèlerinage à la maison sacrée. Pendant 10 années, il les invita à ce message. Et c'est le message de tous les prophètes et de tous les messagers. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons envoyé un message dans chaque communauté pour leur dire, adorez qu'Allah et éloignez-vous du tawhid. Puis il y a eu Laylatul Isra wal Mi'raj. 10 ans après, il y a eu la nuit de l'ascension et du voyage nocturne. Ou du voyage nocturne et de l'ascension. Allah subhanahu wa ta'ala lui a parlé. Comme il a parlé à Moussa alayhi salam. et il lui a ordonné 50 prières. Lorsqu'il est descendu au niveau de Moussa alayhi salam, Moussa lui a dit, que t'a ordonné ton Seigneur? Il lui a dit 50 prières. Il lui a dit, remonte et demande à Allah qu'il t'allège. Ta communauté ne supportera jamais cela. Car j'ai vécu avec Banu Israël et ils n'ont pas supporté. Et de par son expérience, il sait que la communauté ne supportera pas cela. Al-Muhim, le prophète alayhi salatu wassalam, a demandé à ce qu'Allah lui allège. Au final, à la fin, Allah lui a allégé au nombre de 5 prières, mais avec la récompense d'en appliquer 50, d'en effectuer 50. Donc elles sont 5 en nombre, mais comme 50 dans la récompense. Bifadlillahi azza wa jal, walhamdulillah. Plus tard, où Allah azza wa jal a ordonné az-zakah, après les jirs, Allah azza wa jal a ordonné as-siyam. Et vers la fin de la vie du prophète alayhi salatu wassalam, al-hajj. Donc cette législation a été révélée petit à petit. Mais la base, le socle, le fondement principal, c'est le tawhid. C'est adorer Allah seul sans associé. Ça, c'est le message principal de l'islam. Mais l'islam, étant une religion parfaite et complète, la religion d'Allah, l'islam a traité tous les sujets desquels allaient avoir besoin les serviteurs. Et parmi ces plus grands sujets et les points les plus importants qu'on trouve dans le Coran, qu'on trouve dans la Sunna, dont nous avons besoin et auxquels nous devons accorder beaucoup d'importance, c'est husnul khuluq, c'est le bon comportement. C'est le bon comportement. C'est un des points majeurs en islam et des plus importants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou avant ça dans le Coran, Allah nous dit « Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. » Tu as certes un comportement des plus imminents, des plus parfaits, des plus complets. C'est-à-dire, tu as une religion parfaite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous montre l'importance de ce sujet. Et il nous dit « Innama » بُعِثْتُ لِيُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ إِنَّمَا بُعِثْتُ لِيُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai été envoyé que pour parfaire les nobles comportements, que pour compléter les bons comportements, les nobles caractères. Donc là on voit l'importance de ce sujet, car parmi ceux, parmi les points avec lesquels nous est venu le prophète alayhi salatu wassalam, parmi les choses pour lesquelles il a été envoyé, c'est de corriger les comportements. C'est qu'on soit doté des nobles caractères et qu'on se purifie des mauvais. Ça, c'est un des buts de l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a informé que le bien, c'est le bon comportement. Lorsqu'il dit sallallahu alayhi wa sallam, al birru husnul khuluq. Le bien, c'est le bon comportement. Le bien, c'est le bon comportement. Et il se peut que le serviteur soit bien dans sa relation entre lui et Allah. C'est-à-dire qu'il prie à l'heure, c'est-à-dire qu'il sort sa zakat, c'est-à-dire qu'il jeûne Ramadan, wa hakada. Mais que dans sa relation avec ses parents, avec ses enfants, épouse, voisin, camarades, frères, tantes, il y a un mauvais comportement. Et ça ne suffit pas d'avoir une bonne relation entre lui et Allah, tant qu'il n'a pas aussi une bonne relation entre lui et les serviteurs d'Allah. Car plus la personne craint Allah, plus son relationnel avec les créatures d'Allah sera bon. Parce que quand il se comporte avec les gens, en réalité, il se comporte avec Allah Azza wa Jal. Et là est la clé de cette question. Comment atteindre les hauts degrés dans le comportement? C'est de savoir que quand on se comporte avec les gens, envers les gens, en réalité, c'est le lien avec Allah Azza wa Jal qu'on développe. Si on a un mauvais comportement envers les gens, ça veut dire qu'on a une foi faible entre nous et Allah. Et si on a un bon comportement envers les gens, ça prouve qu'on a une foi forte entre nous et Allah subhanahu وتعالى. عبد الله بن عمرو il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam nous informe qui est le meilleur parmi nous. Tout le monde cherche à être le meilleur et c'est une chose vers laquelle penche naturellement l'homme. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte ou nous dit, comme ça rapporté par le Bukhari et Muslim, inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa. Parmi les meilleurs d'entre vous, ou les meilleurs d'entre vous, sont ceux qui parmi vous ont le meilleur comportement. Ceux qui parmi vous ont le meilleur comportement. Donc celui qui souhaite être le meilleur, il doit purifier son comportement. Il doit trier de ses caractères et comportements. Il doit être doté des nobles caractères et des nobles comportements. Tout comme le prophète alayhi salatu wassalam nous a informé de ce qu'il fallait avoir pour être le meilleur, il nous a informé de ce qu'il fallait avoir pour avoir la foi la plus ferme, la plus forte, la plus haute, l'iman. Dans le hadith de Anas radiallahu anhu, il nous dit sallallahu alayhi wa sallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit les croyants ayant la foi la plus complète sont ceux qui ont le meilleur comportement. Sont ceux qui ont le meilleur comportement. Donc celui qui est soucieux de sa foi, celui qui souhaite honorer sa foi, purifier sa foi, l'augmenter, la développer, la préserver, il doit étudier ce domaine-là. Il doit faire des efforts dans ce domaine. Le prophète alayhi salatu wassalam nous montre également que pour être aimé auprès de lui, pour avoir une grande place chez Allah Azza wa Jal, il faut avoir un bon comportement. Car il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith de Usama ibn Shariq, que des gens sont venus voir le prophète, alayhi salatu wa sallam, et ils lui ont dit, « Man ahabbu ibadillahi ila Allahi ta'ala. Man ahabbu ibadillahi. Man ahabbu ibadillahi ta'ala ila Allah. » Qui sont, des gens ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont parmi les serviteurs d'Allah le Très-Haut, ceux qu'Allah aime le plus? Ceux qu'Allah aime le plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ahsanukum khuluqa. Ceux qui parmi vous ont le meilleur comportement. Quand on entend ces hadiths, on comprend l'importance de ce sujet. Quand on entend ces hadiths, on comprend que le comportement n'est pas une chose à prendre à la légère, mais c'est la cause pour être aimé chez Allah. C'est la cause pour avoir une foi ferme et forte. Et comme on va le voir, c'est la cause pour être proche du prophète alayhi salatu wassalam et aimé de lui. C'est la cause pour entrer au paradis et avoir une balance lourde le jour des comptes. Le jour où on reviendra vers Allah pour être jugé, il y aura la balance. La balance, c'est une réalité. Et ça fait partie des choses qu'on trouvera le jour dernier, après la mort, après la résurrection. Ben, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, comme c'est venu dans le hadith d'Abu Darda, radiallahu an, athqalu au ma min shay'in athqalu fi mizan al-mu'min yawm al-qiyamati min husn al-khuluq. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, il n'y a pas une chose plus lourde sur la balance du croyant le jour de la résurrection que le bon comportement. Il y a un plateau de la balance où on mettra le bien. Il y a un plateau de la balance où on mettra le mal commis par la personne. si à la fin du jugement, il lui reste une hasana, il rentre au paradis. Donc ce jour-là, il aura besoin d'alourdir ce plateau-là. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit ma shay athqalu fi mizan al-mu'min yawm al-qiyamati min husn al-khuluq. Il n'y a rien de plus lourd sur la balance du croyant le jour de la résurrection que le bon comportement. Que le bon comportement. Wa inna Allah yubghidu al-fahish al-bani. Et certes, Allah n'aime pas ceux qui sont, ou bien déteste ceux qui sont vulgaires. Aïcha radiallahu anha nous rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Inna al-mu'mina la yudriku bi husni khuluqih darajat al-qa'im al-sa'im. Certes, le croyant atteint par son bon comportement, inna al-mu'mina la yudriku bi husni khuluqih darajat as-sa'im al-qa'im, le niveau de ceux qui jeûnent le jour et prient la nuit. Par son bon comportement, il rattrape ceux qui font beaucoup d'adoration. C'est-à-dire que celui qui préserve ses obligations et qui n'a pas forcément beaucoup de nawafil, s'il a un bon comportement, il va rattraper ceux qui jeûnent des jeûnes recommandés, ceux qui prient des prières recommandées, et ainsi de suite. Par quoi ? Par son bon comportement. Ça nous montre combien Allah aime cette adoration-là, et combien Allah valorise cette adoration-là, et combien Allah donne et récompense pour cette adoration-là, le bon comportement. Par le bon comportement, les gens entreront au paradis. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a été questionné. Abu Huraira nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur ce qui fait le plus entrer les gens au paradis. Su'ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an akthari ma yudkhilu an-nas al-jannah. Faqala taqwa Allah wa husn al-khuluq. Il a dit la crainte d'Allah et le bon comportement. Taqwa Allah, c'est-à-dire faire ce qu'Allah t'a ordonné et délaisser ce qu'il t'a interdit. Avec science, t'espères la récompense et tu crains son châtiment. Et taqwa, t'obéis à Allah. Et husn al-khuluq, le bon comportement. Wa su'ila an akthari ma yudkhilu an-nas an-nar, faqala sallallahu alayhi wa sallam al-fam wal-farj. Puis il a été questionné sur ce qui fait le plus entrer les gens en enfer, il a dit la bouche et la partie intime. Les péchés de la langue et les péchés de la partie intime. Et parmi les invocations du prophète alayhi salatu wassalam, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ô Allah, tout comme tu as parfait ma création, parfait mon comportement. Certains savants ont affirmé ce hadith. Abu Dharr a été conseillé par le prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a dit Ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqi an-nas bi khuluqin hasan. Ça, c'est la recommandation du prophète alayhi salatu wassalam à Abu Dharr. Crains Allah où que tu sois. Où que tu sois, fais ce qu'Allah t'a ordonné, délaisse ce qu'il t'a interdit. En privé, en public, chez toi, en voyage, au travail, crains Allah où que tu sois. Et fais suivre la mauvaise action de la bonne, elle l'effacera. Sois endurant, essaye de ne pas tomber dans les péchés. Mais si tu tombes dans le péché, dépêche-toi de faire une hasana après avoir fait cette sayyi'a. Ainsi elle l'effacera. Et la première chose, c'est le repentir. C'est le repentir. Puis la personne ajoute du bien pour effacer ce mal et ne pas tomber. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Et comporte-toi envers les gens de la belle manière. et un bon comportement envers les gens. Ici, on voit que le prophète sallam a traité trois sujets. Le premier sujet, c'est ta relation entre toi et Allah. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Taqwa Allah. Le deuxième sujet, c'est ta relation avec ta propre personne. Endurer devant le péché, quand on tombe dans le péché, se repentir et faire du bien. Pas rester dans le péché. Le troisième point, c'est le relationnel avec les gens. Khaliqinna sabi khuluqin hasan. Il faut avoir un bon comportement envers les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourageait beaucoup les compagnons à ces nobles caractères. Un point tel qu'un jour il leur a dit, comme le rapporte Abu Umama radiallahu an, « Ana za'im aydamin bibaytin fi rabadil jannah liman taraka almira aljadal wa in kana muhiqqan wa bibaytin fi wasatil jannah liman taraka alkadhib walau kana mazihan wa bibaytin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh. » Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, comme le rapporte l'imam Abu Daoud rahimahullah, je garantis une maison en périphérie du paradis, si ça se dit ainsi, si on peut dire ainsi, pour celui qui délaisse la polémique, même s'il a raison. Même s'il a raison. Même s'il est dans son droit. Et je garantis une maison au milieu du paradis pour celui qui délaisse le mensonge, même en plaisantant. Même en plaisantant. Et je garantis une maison au plus haut du paradis pour celui qui a amélioré son comportement. Pour celui qui a un bon comportement. Une maison au plus haut du paradis. Quel encouragement y a-t-il dans ces nobles paroles du prophète alayhi salatu wassalam ? Ainsi, le musulman doit fouiller en lui. Il doit chercher. Qu'est-ce qu'il a comme bon comportement ? Il remercie Allah pour cela. فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ. Et s'il trouve autre chose, il doit immédiatement chercher le moyen de se corriger. Il doit délaisser ça. Il doit se corriger. Il doit invoquer Allah afin qu'il corrige son mauvais comportement et qu'il lui donne un bon comportement. Il ne doit pas dire « moi je suis bien, moi je suis parfait, moi je suis… » Non. Il doit se voir petit. Il doit se voir faible. Il doit se voir dans le besoin qu'Allah lui donne. Il supplie Allah de le purifier de mauvais comportements. Et il supplie Allah de le doter de nobles caractères pour obtenir tout ce qu'on a mentionné et beaucoup plus. Ça, c'est un résumé. C'est un court rappel. Mais les textes sur le bon comportement sont très nombreux dans le Coran, sont très nombreux dans la Sunna. Une personne a questionné Aïcha sur le comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Parce qu'après avoir compris l'importance du bon comportement, il faut savoir qu'est-ce que le bon comportement et quelle base faut-il avoir pour avoir ce bon comportement, à quoi se référer pour obtenir ce bon comportement. Aïcha était questionnée sur le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a répondu « Alesta taqra'u al-Qur'an ?» Ne lis-tu pas le Qur'an ? La personne a répondu « Si, je lis le Qur'an. » Puis elle a dit « Radiallahu anha » فَإِنَّ خُلُقَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ الْقُرْآنِ. L'imam Muslim nous dit, Aïcha a été questionnée sur le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a répondu, ne lis-tu pas le Coran? La personne a répondu, si, je lis le Coran. Et elle a donc dit ensuite, le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le Coran. C'est-à-dire, ce que vous trouvez dans le Coran, il appliquait cela. Ainsi, il avait le meilleur comportement. Et pour finir, le premier bon comportement, c'est envers Allah. En connaissant Allah, en aimant Allah, en ayant peur d'Allah, en espérant en Allah, en comptant que sur Allah. en obéissant à Allah, en délaissant les péchés qui mettent en colère Allah, en adorant Allah seul d'un culte sincère, et en ayant comme conviction qu'il est le maître des cieux et de la terre, et qu'il administre tout, et c'est le maître absolu, subhanah. Ça, c'est le plus important. Celui qui n'a pas ça, il n'y a pas de bon comportement. Celui qui n'a pas ça, il n'a pas un comportement qui lui ouvrira le paradis. Deuxièmement, le comportement envers le prophète, alayhi salatu wassalam, même après son décès, en reconnaissant que c'est le messager d'Allah, en reconnaissant que c'est le serviteur et le messager d'Allah, en le connaissant, en étudiant sa biographie, en l'aimant, en le suivant, en délaissant sa désobéissance, en le prenant pour exemple, en n'ajoutant rien dans sa sunna, rien dans sa voie, en le suivant de manière minutieuse et en adorant Allah que comme il nous l'a enseigné, pas avec les innovations. Troisièmement, le bon comportement se manifeste par le bon comportement envers les parents. Akbirul walidayn. En commençant par la mère, la cause de ta venue au monde. En commençant par ta mère, celle qui a déversé sur toi sa pitié et sa miséricorde depuis le premier jour et avant même ta venue au monde. Celle qui ensuite t'a enfanté après t'avoir porté peine sur peine. Celle qui ensuite t'a allaité et qui t'a couvert de sa miséricorde et qui s'occupe de toi. Et la personne qui veut que tu sois meilleur qu'elle et qui travaille dur dans ton éducation et ta formation. Le père qui se lève et sort tôt pour chercher la subsistance afin que tu ne manques de rien. Le seul qui souhaite voir ta personne devenir meilleure qu'elle. Le seul qui, yani, n'abandonne pas parce qu'il veut te voir toi réussir et qui se soucie plus de toi que de lui-même. Naam. Tu dois avoir un bon comportement envers eux, en les aimant, en étant reconnaissant envers eux, en te mettant à leur service, en dépensant pour eux. Naam, en rentrant la joie dans leur cœur, en les visitant, en faisant dua pour eux, et beaucoup d'autres choses encore. Quatrièmement, le bon comportement envers la famille, femmes et enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Khayrukum khayrukum li ahli. Le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur avec sa famille. Wa ana khayrukum li ahli. Et je suis le meilleur avec ma femme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Stawsu bin nisa'i khayra. Faites de bonnes recommandations aux femmes. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Qu'u anfusakum wa ahlikum nara. Préservez-vous, vous, ainsi que vos familles du feu. C'est-à-dire, enseignez-leur, faites-leur de bonnes recommandations. Le bon comportement envers les proches, Ar-Rahim. Le bon comportement envers les voisins. Le bon comportement envers les pauvres et les faibles. Le bon comportement envers les savants. Ainsi, le musulman étudie et applique ce qu'Allah Azza wa Jal aime de lui. Le bon comportement. هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين فنسأل الله سبحانه وتعالى يحسن أخلاقنا ويوفقنا لكل خير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ورضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ورضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ورضى المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله